juste un bébé. Mais dites-moi qui dirige ma vie, et surtout qui aujourd'hui a pu payer le prix d'une vie, celle de mon tout petit qui aujourd'hui s'appelle le Rémi. Qui s'est permis de vivre toujours des on-dit, à qui dois-je dire merci? Merci d'avoir détruit le sens de ma vie. Là j'accuse n'importe qui, ça soulage ma peine, ça m'éloigne de la haine. Des enfants, on choisit sans pour eux éternel.